Il marche dans la ville, au milieu des lumières, sans savoir où il va, comme porté par le vent. Il a faim, il a froid, et dans la ville austère, personne ne le remarque, à peine les passants. Les amis, les voisins, qui le croisaient naguère, aujourd'hui ne sont plus qu'un souvenir troublant. Il n'a plus de boulot, ni femme, ni pied à terre, tout le monde l'a oublié. Même ses propres enfants. Il porte sur le dos des années de galère, tout ce travail pour rien, ce combat incessant pour nourrir sa famille, éviter la misère à ceux qui ne sont plus qu'un mirage maintenant. Il a faim, il a froid, et il sait que sa quête demain peut s'arrêter comme ça, de but en blanc. Il traîne sa carcasse, et même sa silhouette est celle d'un fantôme, presque d'un mort vivant. Cette nuit il a marché pour ne pas avoir froid, trouver une porte, un lieu pour s'abriter, un peu comme une bête errant au fond des bois, cherchant un lieu propice, loin de tous les sentiers. Il a juste la force pour trouver le courage de demander au monde quand il croise un passant. Mais bien souvent, sa main qui tend comme un message ne reçoit que des mots d'insultes méprisants. Et pourtant, dans sa tête, tout est clair, tout est clean. Il n'a jamais fait de mal, volé son prochain. Juste pas eu de chance, on a fermé l'usine. Oui, il avait usé sa santé et ses mains. Chaque jour dans la rue, on croise sans les voir des malheureux comme lui qui cherchent leur chemin, qui ont juste besoin d'un peu d'amour, d'espoir, d'un peu de notre temps ou d'un morceau de pain. Chaque jour, notre monde dans sa fuite en avant laisse sur le bas-côté ceux qui lui ont servi à bâtir des empires de béton et d'argent pour une poignée d'euros au péril de leur vie. Chaque jour, ma conscience en prend un coup dans l'aile, car je sais que demain, ce pourrait être moi, celui qui tend la main pour demander de l'aide, avec pour seul souci de vivre un peu plus loin. Je marcherai dans la ville, au milieu des lumières, sans savoir où j'irai, comme porté par le vent. J'aurai faim, j'aurai froid, et dans la ville austère, personne ne me verra. Je deviendrai transparent. Je deviendrai transparent.